19e chapitre. Ce que Dorval cachait sous les fleurs. Une fois baptisé, Missouf second jouit dans la maison de tous les privilèges de Missouf premier. Le dimanche suivant, on était réunis dans le jardin. Giraud, Maquet, Alexandre et deux ou trois habitués de la maison, lorsqu'on m'annonça un second Auvergnat et un second singe. « Faites entrer, » dis-je à Michel. 5 minutes après, l'Auvergnat fit son apparition. Il avait sur son épaule une figure fantastique, tout enrubannée, portant un chapeau de satin vert sur l'oreille et une houlette à la main. « N'est-ce pas ici que l'on acheta les singes ? » demanda-t-il. « Hein ? » fîmes-nous. « Il demande si ce n'est pas ici que l'on achète les singes, » dit Michel. « Mon bonhomme, » dis-je, « tu t'es trompé de porte. Tu vas reprendre le chemin de fer, gagner le boulevard, suivre toujours tout droit jusqu'à la colonne de la Bastille. Là, tu prendras à droite ou à gauche, à ton choix. Tu traverseras le pont d'Austerlitz, tu te trouveras en face d'une grille et tu demanderas le palais des singes de Monsieur Thiers. Voilà 40 sous pour faire ton voyage. » « C'est que j'ai déjà vu 2 singes dans une cage, » insista l'Auvergnat, « et que le fils à Jean-Pierre m'avait dit qu'il avait vendu son singe à Monsieur Doumache. Alors j'ai dit, si Monsieur Doumache veut aussi mon singe, je lui vendrai tout de même pas plus cher que le fils de Jean-Pierre ne lui a fendu le sien. Mon cher ami, je te remercie de la préférence. Voilà 1 franc pour la préférence. Mais j'ai assez de 2 quadrumanes. Si j'en avais davantage, il me faudrait un domestique rien que pour eux. » « Monsieur, dit Michel, il y a Soulouk qui ne veut rien faire. Monsieur pourrait le mettre à la tête des singes. » Ceci m'ouvrait de nouvelles perspectives à l'endroit de Soulouk. Alexis, dit Soulouk, était un jeune nègre de 13 à 14 ans, du plus beau noir, et qui devait venir originairement du Sénégal ou du Congo. Il était déjà à la maison depuis 5 ou 6 ans. Dorval, un jour qu'elle venait dîner avec moi, me l'avait apporté dans un grand panier. « Tiens, » avait-elle dit en découvrant le panier, « voilà quelque chose que je te donne. » J'avais enlevé toute une jonchée de fleurs et j'avais vu quelque chose de noir avec 2 gros yeux blancs qui grouillait au fond du panier. « Hé !» lui avais-je dit, « qu'est-ce que cela ? » ?»« N'aie pas peur, ça ne mord pas. » »« Mais enfin, qu'est-ce que c'est ?»« C'est un nègre. » »« Tiens, un nègre ?» Et j'avais plongé mes 2 mains dans le panier, j'avais attrapé le nègre par les 2 épaules et je l'avais planté sur ses jambes. Là, il me regardait avec un bon sourire étoilé, outre ses 2 yeux, de 32 dents blanches comme la neige. « D'où diable cela vient-il » demandai-je à Dorval. « Des Antilles, mon cher. Un de mes amis qui en arrive me l'a rapporté. Depuis 1 an, il est à la maison. Je ne l'ai jamais vu. Je crois bien, tu ne viens jamais. Pourquoi donc ne te voit-on plus ? Viens donc déjeuner ou dîner. » « Oh, ma foi, non. Tu es entourée d'un tas de parasites qui te mangent toute vivante. Tu as bien raison. Seulement, cela ne durera plus longtemps. À cette heure, mon pauvre ami, ils en sont aux os. Pauvre créature du bon Dieu que tu fais, va. » De sorte que je me suis dit, en regardant Alexis, « Va, mon garçon. Je vais te conduire à un endroit où tu ne seras peut-être pas payé plus régulièrement qu'ici, mais où tu mangeras tous les jours au moins. Mais que veux-tu que je fasse de ce gaillard-là ? Il est très intelligent, je t'assure, et la preuve, c'est que les jours où le dîner est court, les jours où le rôti manque, je fais comme Madame Scarron, je compte des histoires. Eh bien, je me retourne quelquefois de son côté et je le vois pleurer ou rire, selon que l'histoire est triste ou gaie. Alors, j'allonge l'histoire. Il croit que c'est pour eux. Pas du tout, c'est pour Alexis. Je me dis, pauvre enfant, ils te mangent ton dîner, mais ils ne peuvent pas te manger ton histoire. N'est-ce pas, Alexis ? Alexis fit de la tête un signe affirmatif. Tu es bien le meilleur cœur que je connaisse, va. Après toi, mon grand chien. Ainsi, tu prends Alexis. Je prends Alexis. Je me retournai vers mon nouveau commensal. Ainsi, lui dis-je, tu viens de la Havane. Oui, monsieur. Et quelle langue parle-t-on à la Havane, mon garçon ? On parle créole. Ah, et comment dit-on en créole ? Bonjour, monsieur. On dit bonjour, monsieur. Et bonjour, madame ? On dit bonjour, madame. Alors, cela va tout seul, mon garçon. Nous parlerons créole. Michel ! Michel ! Michel entra. Tenez, Michel, voilà un citoyen qui fait partie de la maison. Je vous le recommande. Michel le regarda. Qu'est-ce qui t'a blanchi, mon garçon ? Lui demanda-t-il. Plaît-il ? Fit Alexis. Je te demande le nom de ta blanchisseuse, afin de lui réclamer la monnaie de ta pièce. En voilà une qui t'a volée. Allons, viens, Soulouk. Et Michel emmena Alexis, qui fut Alexis pour tout le monde, mais qui, pour Michel, demeura éternellement Soulouk.